إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue avec l'explication de ce livre de jurisprudence concernant le pèlerinage et la Umra et qui s'intitule Ahkam manasik al-Hajj wal Umra. Le Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Donc le dernier cours, on avait parlé de ce que l'on devait faire en présence de Al-Hajar al-Aswad, de la pierre noire, et on avait vu les différentes façons de faire avec elle, et on a dit dans le fait de la toucher, il y a un grand bien pour le musulman, un grand fadl. Il nous est rapporté par ce hadith, hadith authentique, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et également Ibn Khuzayma, ou Ibn Hibban, ou Al-Hakim, ou Al-Thahabi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, « La yab'athanna Allahu al-hajra yawm al-qiyamah » Allah Azza wa Jal donc, il ressuscitera cette pierre, c'est-à-dire qu'elle sera présente le jour du jugement, et qu'elle sera là pour témoigner. « Walau aynanu » Cette pierre donc aura deux yeux, et avec ces deux yeux, elle pourra observer, elle pourra voir. وَلِسَانٌ يَنْتِقُ بِهِ Elle aura également une langue avec laquelle elle pourra parler, prononcer des mots. وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ إِسْتَلَمَهُ بِحَقٍ Et donc elle va témoigner cette pierre, elle va témoigner de ceux qui l'auront touché avec droit. بِحَقٍ بِحَقٍ, à juste titre, à juste droit. Bien entendu, ici, celui qui ne commet pas de polythéisme, qui n'a pas de croyance envers cette pierre ou autre, mais le al-muahid, c'est-à-dire le monothéiste, celui qui a concrétisé le tawhid bihaqqin. Donc on voit que cette pierre-là, pour celui qui a concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui l'a donc touché dans cette vie d'ici-bas, alors le jour dernier, Allah azza wa jal va la présenter cette pierre, subhanahu wa ta'ala, et de par sa puissance, bi qudrati, subhanahu wa ta'ala, il va la pourvoir de deux yeux, d'une langue, elle pourra donc parler, elle pourra donc voir, et à ce moment-là, elle va témoigner de ceux qui l'auront touché dans cette vie d'ici-bas. Hadha al-hadith sahih. Donc ça, c'est un des fables. Également, encore un autre hadith qui concerne al-hajar al-aswad, la pierre noire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou Ibn Hibban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul Mas'hu al-hajar al-aswad wal-rukn al-yamani yahuttani al-khataya hatta. C'est-à-dire donc le fait de toucher la pierre noire et également al-rukn al-yamani, c'est-à-dire donc le pilier yéménite, c'est-à-dire donc qu'elles font disparaître, que cet acte-là fait disparaître ces deux actes, que ce soit donc pour le Hajar al-Aswad et pour le Rukn al-Yemeni, ces deux actes donc, le fait de les toucher, font disparaître les péchés. Yani al-Hat, c'est le fait de rabaisser le péché. Ici, les péchés, les fautes, bien entendu, le sens, c'est de les expier. Et également dans ce dernier hadith que l'on cite concernant le Hajar al-Aswad, qui est un hadith qui rapporte également par l'imam al-Tirmidhi ou Ibn Khuzayma, al-Hajar al-Aswad min al-Jannah. C'est-à-dire qu'à l'origine, la pierre noire, c'est une pierre du paradis. Wa kana ashadda bayadan min al-thalj. Et elle était encore plus blanche. Elle était encore plus blanche. Sa couleur était encore plus blanche que la neige. حتى سودته خطايا أهل الشرك. Jusqu'à que elle est devenue noire de par les péchés des gens du polythéisme. Elle est devenue noire à cause des péchés des gens du polythéisme. Ahl al-shirk. Wallah al-musta'an. Donc c'est pour cela qu'en contrepartie, celui parmi les monothéistes, ceux parmi les monothéistes qui vont toucher cette pierre, alors elle témoignera le jour, yawm al-qiyama, le jour du jugement. On revient donc au texte du shir. فيقول رحمه الله تعالى ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه أن يذهب إلى ما بين ركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. Donc une fois, comme on l'a vu, qu'il a touché la pierre noire, et on a vu donc les différentes façons de le faire, et tout ce qui était permis par rapport à la pierre noire. Ensuite donc, il commence par le tawaf, autour de la maison sacrée, Al-Kaaba. Et bien entendu, à ce moment-là, il va placer Al-Kaaba à sa gauche. Et il n'a pas à ce moment-là à aller entre les deux piliers. Donc il commence bien depuis la pierre noire, c'est-à-dire Rukn al-Hajar al-Aswad, depuis le pilier Rukn, le coin donc où se trouve la pierre noire. Il commence par là. Et également, il ne doit pas marcher Arban, c'est-à-dire soit il donne tout son visage, toute sa face à la Kaaba, c'est-à-dire il la place complètement en face de lui, qu'il la regarde, et non le contraire, c'est-à-dire qu'il se met à dos Al-Kaaba. Donc comme on l'a dit, il faut qu'il la place à sa gauche. Et donc, il ne se met pas complètement face d'elle, et non plus, il ne se met pas à dos d'elle. Et comme il nous dit le shir, il ne faut pas faire cela. Et cela n'est aucunement recommandé. Ensuite, lorsqu'il touche la pierre noire, et donc il va débuter le tawaf par cela, il dit Bismillahi wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Donc comme on a vu auparavant, wa insha'a qal, ensuite il va nous dire une dua, le shir, s'il veut il peut la dire, et qui est cette dua, Allahumma imanan bik, c'est-à-dire de par ta foi, de par la foi en toi, wa tasdiqan bi kitabik, du fait que j'ai cru et que j'ai reconnu ton livre comme étant véridique, que je me suis dévoué, que j'ai été fidèle, que je me suis acquitté par rapport à la promesse faite, et que j'ai suivi le prophète, ou j'ai suivi la sunna de ton prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va nous rappeler le shir, que lorsqu'il va toucher la pierre noire, donc, il ne rentre pas complètement son corps vers la pierre noire, car en réalité, la pierre noire se trouve à l'intérieur de la maison. Donc il a juste à la toucher, c'est ce qu'on va comprendre de sa parole, il a juste à la toucher, car Allah Azzawajal nous a ordonné de faire le tawaf autour de la maison, pas dans la maison, pas dans la maison. Donc comme on a dit, par rapport à la pierre noire, il la touche ou l'embrasse, mais il ne va pas y mettre ou y coller son corps dessus. Ensuite il roule وَلَا يَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا رُكْنَانَ الْيَمَانِيَيْنَ دُونَ الشَّامِيَيْنَ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران هما في داخل البيت والركن الأسود يستلم ويقبل واليماني يستلم ولا يقبل والآخران لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام ومسحه باليد. Ici donc un point qui est important pour se rappeler, pour avoir bien donc une image, pour avoir une image de Al-Kaaba, on sait qu'il y a automatiquement quatre piliers, ou on va dire quatre coins, ce qu'on appelle le rukn. Il y a quatre coins, vu que c'est bien entendu comme un cube. Donc chaque coin, il a une appellation pour s'y retrouver lorsqu'on fait le tawaf. Il faut savoir donc qu'on va débuter par le coin où se trouve la pierre noire. Donc c'est ce qu'on appelle rukn al-hajar al-aswad. Tayyib. Ensuite, va se trouver après donc. Donc bien entendu, on est dans le sens du tawaf ici. Tayyib. Donc on a placé la Kaaba à notre gauche. Et donc on avance. Après le rukn de la pierre noire, il va se trouver deux rukn. Et les deux prochains rukn que l'on va trouver, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous a appelé le shir par ruknayn ash-shamiyayn. Du sham, bien entendu, par rapport à leur direction, qui sont en direction du sham. Tayyib. Donc c'est ces deux rukn qui vont suivre dans le sens du tawaf, qui vont suivre le rukn de la al-hajar al-aswad. Ces deux rukn qui suivent le rukn de la pierre noire, on ne doit rien y faire. On ne doit rien y faire, car ce n'est pas de la sunna, absolument pas, d'aller les toucher ou de faire quoi que ce soit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas approché de ces deux rukn, ne les a pas touchés. Donc, on doit faire de même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Par contre, celui qu'on a droit de toucher, c'est rukn al-yemeni. C'est-à-dire, ça va être donc le rukn qui se trouve juste avant le rukn de la pierre noire. Donc, on a passé les deux rukn al-shamiyayn, donc en direction du Sham, et on va donc arriver au rukn al-yemeni qui est en fait ici le troisième. Si on considère que rukn de la pierre noire c'est le quatrième, et si on considère que c'est le premier, alors lui ça sera le quatrième rukn al-yemeni. Ala kulli hal, c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté. Le rukn al-yemeni, celui qui va précéder rukn al-hajar al-aswad. Donc pour ce rukn qu'on appelle le rukn al-yemeni, alors le rukn yéménite, le coin yéménite ou le pilier yéménite, alors lui on a le droit de le toucher. Bel hada sunna, mais uniquement le toucher. C'est pour ça qu'il nous dit le shir al-istilam c'est mashu biliyad, c'est-à-dire qu'on va comme le caresser, comme le toucher avec notre main. Et donc ici on le touche uniquement et on ne va pas l'embrasser, contrairement donc à la pierre noire. La pierre noire, on a vu, on a le droit de le toucher et de l'embrasser. Taïb. Par contre, pour ce qui est de rukn al-yemeni, on le touche juste et on ne l'embrasse pas. C'est la différence qu'il y a entre rukn de la pierre noire et rukn al-yemenite. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais donc, il est légiféré pour les deux de les toucher. Sauf qu'il y en a un, pour ce qui est rukn al-hajar al-aswad, de le toucher, de l'embrasser, et l'autre uniquement de le toucher. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le shir ici, yu'allil, c'est-à-dire qu'il va nous donner une cause de cela. Il va nous dire car ces deux rukn, que ce soit rukn al-hajar al-aswad ou rukn al-yemeni, ils ont été, ou ils sont restés, suivant les bases de la construction qu'en a faite Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a reconstruit la Kaaba, la maison sacrée d'Allah Azzawajal. Alors, ces deux rukn, ils sont restés suivant les bases de la construction de Ibrahim. Alors que les deux autres, il se trouve à la base à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il nous dit wal akhiran huma fi dakhil al bayt. Il se trouve à l'intérieur de la maison. Ala kulli hal, ici il nous donne une cause de cela, pourquoi on les touche. C'est car donc ils sont, comme nous dit le shir, li'annahuma ala qawa'id Ibrahim. Li'annahuma ala qawa'id Ibrahim. Ensuite yaqul rahimullah wa amma sa'iru jawani bil bayt ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Ensuite, le shir nous dit, et c'est un point qui est important, tout le reste, les murs donc, de la maison sacrée, al-jawanib, c'est-à-dire les côtés de la maison, également maqam Ibrahim. Également, il va nous dire, le shir, tout ce qui se trouve sur la terre, comme mosquée, comme leurs murs, ou les murs, également comme les tombeaux des prophètes, les tombeaux des pieux, comme l'appartement de notre prophète, comme la grotte de Ibrahim, comme l'endroit où priait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui rentre donc également dans min maqabir al-anbiya wa salihin, de même donc toujours pour ce qui est des tombeaux des prophètes et des pieux, également la pierre de Bayt al-Maqdis. Il nous dit, tout cela, on ne doit pas les toucher. Fala tustalam. Contrairement donc à la pierre noire et Rukn al-Yemeni. Également, on ne les embrasse pas. Hadha bittifaq al-a'imma. C'est un consensus de tous les imams. Et donc, tout ce qu'on peut voir et qui se fait malheureusement par beaucoup d'ignorants parmi les musulmans, de par leur ignorance, qui vont se frotter à des portes de mosquées, qui vont se frotter à des murs, qui vont se frotter à des tombeaux des prophètes, ou alors des tombeaux des pieux, al-awliya, comme ils les appellent. Tout ceci donc, c'est interdit. Et ça rentre même dans l'innovation, ayadan billah. Et c'est pour ça, subhanallah, des moments où on voit des pèlerins, avant qu'ils viennent à Mecca, ils arrivent à Médine, ils vont se frotter, ou alors ils vont toucher les portes de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pensant qu'il y a une baraka dans cela.